Dieu incarné des derniers jours, flot de grâce, d'idées paroles qui perfectionnent, illuminent l'homme, supprime les notions vagues de Dieu, du cœur de l'homme. Jésus a fait une œuvre différente, a fait des miracles, des guérisons, chassé les démons, prêché les